Chapitre 3e. La princesse et le père Baptiste étaient seuls. Aussitôt Léonora leva son voile, et comme elle l'avait prévu, le religieux, ne reconnaissant point en elle l'abbesse des Ursulines, jeta un cri. Il s'agissait de frapper un grand coup. « Quelle est cette profanation ? » dit le vieillard. « Avez-vous bien osé, madame, emprunter le nom et la qualité d'une personne ?»« D'une personne qui est ma cousine et ma meilleure amie. » Voici pour vous une lettre qu'elle m'a donnée, en me recommandant, il est vrai, de ne m'en servir qu'à la dernière extrémité. Mais qui êtes-vous, grand Dieu? Lisez, vous pourriez ne pas me croire. Madame la princesse de Mortello. Oui, mon père, la princesse Léonora de Mortello, parente du duc de Toscane, alliée de cardinaux et de plus honorée de la confiance du roi de France, à qui j'ai confié mon projet et qui, par un gracieux sourire, m'a pleinement approuvé. Mais, bonté céleste, que prétendez-vous faire, madame la princesse? Ce que je veux, écoutez-moi. L'humanité, la charité dictera mes paroles. Un jeune gentilhomme a été enfermé ici après s'être vu enlevé contre le droit des gens. Au moyen d'une lettre de cachet, un ennemi puissant l'a privé de son rang, de son bonheur, de son avenir. On l'a brusquement séparé du monde brillant où l'avait placé sa naissance, et l'on s'est imaginé qu'il accepterait tranquillement cette destinée, qu'il ne regretterait point le passé, qu'il prendrait une robe de moine, et que tout serait fini par là. C'était une étrange erreur, j'ajoute même un calcul impie. Enguerrand de Beauvilliers avait laissé des amis à Versailles. Je suis de ce nombre, et j'ai résolu de le rendre à la liberté. Y pensez-vous, madame? Sans des ordres formels, nous ne pouvons... Ces ordres arriveront bientôt. Ils suivront l'exécution de mon dessein. Attendez donc jusque-là. Vous ne connaissez pas le caractère indécis du roi. Il faut toujours que les événements lui forcent la main. Lorsque j'aurai agi, il approuvera. Mais enlevez ce jeune homme à la religion. Qu'avez-vous dit, mon père? Voudriez-vous contraindre son esprit, lui imposer une vocation qu'il n'a pas? Sur l'honneur, je vous l'atteste, il ne songe nullement à prononcer des vœux. C'est grave, c'est fort grave, dit le père Baptiste en tournant les yeux de tous côtés. Je le répète. Les avantages que je vous ai promis vous sont acquis d'avance. En attendant, permettez-moi de vous offrir ce portefeuille pour vos pauvres. Madame, je ne puis... C'est pour les pauvres. Vous n'avez pas le droit de refuser. Quant à votre avenir, silence. Fit le moine, ici nous pourrions être entendus. Je vais vous reconduire par le préau. Et là, nous verrons à prendre une décision. Mais en vérité, tout cela est d'une témérité effrayante. Ils sortirent. Dans la nuit même, deux hommes s'acheminèrent sans bruit à travers le jardin jusqu'à une petite porte. Le plus âgé ouvrit la serrure, puis, pressant le plus jeune sur son cœur, il lui dit avec tendresse « Va, mon fils, et garde toujours le silence sur les circonstances de ton départ. J'ai été contraint, on m'a persuadé, on s'est adressé à ma charité. Tu serais mort d'ennui avec nous. Mais si un jour le monde où tu vas entrer te pesait, songe à tes amis les pauvres franciscains, qui prieront pour toi. Que leur souvenir te donne de la force. Adieu. » Cela dit, il rentra en refermant la porte avec précaution. Le jeune homme s'était retourné pour regarder une dernière fois les murs du monastère. Trois laquais, enveloppés de manteaux et abrités par une haie, s'approchèrent alors de lui, et l'un d'eux lui dit avec respect « Monseigneur, nous sommes à madame la princesse de Mortello. Soyez assez bon pour nous suivre. Il y a une berline de voyage à 50 pas d'ici. Où retrouverai-je la princesse ? Demanda le jeune homme. À Versailles.